Acrimed et avec elle le Plan B et quelques autres critiquent depuis longtemps la proximité de certains économistes avec le pouvoir financier, leurs relations incestueuses avec le pouvoir politique et leur omniprésence médiatique. Mais vint la crise, ou plutôt les crises, celle des subprimes aux États-Unis et celle de la zone euro que ces experts n'avaient pas su anticiper. Cette fois, un film, Les Nouveaux Chiens de Garde, un mensuel Le Monde Diplomatique, des économistes atterrés et même dans une moindre mesure des médias plus mainstream, Alternative économique ou Mediapart, ont prolongé les investigations, focalisant surtout leurs critiques sur l'appartenance de ces quelques économistes au monde de la finance. Comment peut-on être objectif en étant jugé parti? Les critiques semblent enfusées de toutes parts. On pouvait penser que la cause était entendue et qu'on allait enfin en être rapidement débarrassé. Like a shepherd dog, I'm looking for someone in the rain. I got a silver bullet in my shiny gun to shoot my low again. Now I'm walking on the streets with my crazy triple homeless friend. My sadness has never tasted so sweet. When the wind is cold, there's a standing wall. That happiness can be. It's scars on my wrist. I've never took a Las, malgré ses nombreux travaux, ses mises en garde répétées, ses évidences enfin révélées, rien ne semble avoir entamé leur aura dans les médias dominants, à la radio comme à la télévision. Les économistes qui trempent leurs mains dans le cambouis de la finance ne sont jamais présentés comme tels et sont toujours partout. Trust me. Durant l'année 2011, les experts orthodoxes, qui n'avaient pas vu arriver la moindre crise, répétons-le, ont occupé la plupart des écrans de télévision. Jacques Attali a fait 14 passages sur France Télévisions, Alain Minc 8 passages, autant pour Michel Godet, Christian Deboissieu 3, Daniel Cohen 18 et Élie Cohen 43 passages. Jacques Sapir, un hétérodoxe qui assume une position protectionniste voire souverainiste de gauche, ne compte que 3 passages sur France Télévisions. Frédéric Lordon, lui, n'a fait qu'une apparition sur les chaînes du service public.

happy. He must be happy in his world. De manière plus précise, l'émission C'est dans l'air, diffusée chaque après-midi sur France 5 et animée la plupart du temps par l'infatigable Yves Calvi, qui par ailleurs pérore sur France 2 et sur RTL, apparaît comme un bon exemple d'orthodoxie pédagogique. Tous les jours, 3 ou 4 experts débattent autour d'un thème d'actualité. Comme l'émission est quotidienne, la rédaction de C'est dans l'air doit trouver des spécialistes rapidement disponibles et acclimatés au code de la télévision. Concision du discours, clarté du propos, complaisance à l'égard du média hôte. Des fast thinkers en somme. Take a look into some big gray eyes and ask yourself. Out of them, it's just as well that you're gonna live to see. I'm gonna ask you why. Either way, you got a bone to pick. Can't you leave that to somebody else? I don't need you to suck my dick or to help me feel good about myself. Pick a heart. Please don't break my pick. Please don't break my big gay heart. Why can't you look after yourself? Try to piss me off, 'cause I'm easy to please. Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand now you're not with the big gay scene. Mm-hmm. satisfied, and you might find in time it wouldn't feel so bad. After all, it doesn't take that much, and it would mean the song to me for you to lose the part that's still afraid and not prepared to see my big gay heart. Try to piss me off just 'cause I'm easy to please. Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand now you're not with the big AC. Please don't break my big gay heart, big gay heart. Please don't break my big gay heart, big gay heart. In the dark, my big gay heart, big gay heart. Please don't break my. Gotten so good, hard in it. even he does not admit it. That glittering flash in his eyes makes it look like he might be all right. But if the blues are your hunter, you will come face to face that darkness and death. Ainsi, au fil des ans, Calvi et son équipe se sont dotés d'un panel d'experts en tout et en rien. Le Proche-Orient est-il à l'ordre du jour ? C'est Pascal Boniface qui s'y colle. Ce dernier est-il absent ? On convoque Antoine Sfer. S'agit-il de comprendre les fluctuations de l'opinion sondée ? Dominique Régnier arrive à la rescousse. La politique politicienne est-elle au menu ? Christophe Barbier, sans écharpe rouge. Et Roland Quayrol s'ébattent devant le micro. Et lorsqu'il est question d'économie, idem, ils sont une poignée à venir plastronner. Thank you. Sur la période allant de septembre 2011 à septembre 2012, crise oblige, plusieurs dizaines d'émissions ont été consacrées à l'économie. Outre des journalistes, chefs d'entreprise ou syndicalistes, 103 invitations ont été attribuées à des économistes. On entend ici par économistes des personnes présentées par C'est dans l'air comme professeurs d'économie ou de gestion, chercheurs en économie, conseillers économiques ou financiers, analystes financiers ou économistes. Sur cette période, donc, 26 économistes se sont répartis les 103 invitations et ils ne sont que 15 à avoir été invités une seule fois. 11 économistes se partagent donc 92 invitations. Dans ce qui arrive IP, c'est Philippe Dessertine qui décroche le pompon avec 16 passages dans C'est dans l'air en un an. Ensuite viennent Bernard Maris, 13 passages, Christian Saint-Etienne, 12, Élie Cohen, 11, Jean-Pierre Gaillat, 11, Jean-Marc Daniel, 6, Raymond Soubi, 6, Michel Godet, 4, Nicolas Bouzou, 4, Pascal Péry, 3 et Jacques Mistral, 2.